Bonjour chers amis de la langue française et de FrenchPod, je m'appelle Amaury. Et je suis Marion. Salut à tous. Bonjour. Nous sommes ici pour vous présenter une nouvelle leçon de niveau média avancé qui va nous permettre de parler de beaucoup de choses concernant la culture française, que ce soit la culture cinématographique, les écrivains, mais aussi la politique. Donc l'article se nomme « Évin trouve ridicule la suppression de la pipe de Tati ». Donc ça fait beaucoup de choses à expliquer déjà. Mais d'abord, on va citer le journal duquel on a tiré cet article. Lefigaro.fr, qui est un quotidien français qui parle de l'actualité nationale et internationale. Donc c'est un quotidien qui paraît partout en France. Ouais. Donc on va d'abord reprendre le titre parce qu'il contient déjà beaucoup d'informations. Évin trouve ridicule la suppression de la pipe de Tati. Alors en fait, en citant Évin ici, on parle de Monsieur Évin. Qui est l'origine de la loi Évin. Claude Évin est un homme politique français qui était ministre de la Santé à partir de 1988 et au début des années 1990, il a promulgué une loi qui s'appelle la loi Évin. Alors qu'est-ce qu'elle a changé en fait cette loi Évin ? La loi Évin a mis en place une interdiction de faire des publicités pour tous les produits alcoolisés et les cigarettes dans les magazines, les médias, les événements sportifs, partout. Donc ça a été un grand changement en France puisque avant on pouvait voir à la télé, au cinéma, une pub pour de la bière ou du vin. Cet homme a interdit cette promotion de tous les produits alcoolisés ou des dérivés du tabac. Par contre, ici, on parle de Évin, c'est bien la personne. Monsieur Évin. Voilà, la personne qui est à l'origine de cette loi, qui trouve ridicule la suppression de la pipe de Tati. Mais qu'est-ce que la pipe de Tati ? Alors, Tati, c'est un réalisateur, acteur français, qui est né au début du siècle, qui est très important dans le cinéma français. Il a réalisé son premier film en 1949, qui s'appelle Jour de fête, qui a eu un énorme succès. Et il a créé dans ses films suivants un personnage qui s'appelle Monsieur Hulot, qui revient dans plusieurs de ses films, qui a vraiment symbolisé le cinéma de ce réalisateur, Jacques Tati. Donc ce personnage est vraiment caractéristique, en fait, Monsieur Hulot. Ce sont des films comiques. Il avait des caractéristiques par rapport à son habillement. Qui était une pipe et un chapeau. Qui vraiment le symbolisait. C'est un personnage connu dans le cinéma français, et directement quand on pense à Monsieur Hulot, on pense à cet homme avec son chapeau, sa pipe, personnage comique assez gauche. Et donc pourquoi on vous parle de ça ? Parce qu'une exposition va avoir lieu à la Cinémathèque de Paris, pour laquelle on a créé des affiches publicitaires, sur lesquelles Monsieur Hulot apparaît, avec bien sûr donc ses attributs, la pipe et le chapeau. À l'origine de la polémique, c'est la régie publicitaire de la RATP qui a décidé de son propre chef de faire disparaître la pipe de Monsieur Hulot. Voilà, sur les affiches qu'on voit dans les métros, sur les arrêts de bus, puisque la RATP, c'est la société qui s'occupe de tous les transports parisiens. Qui veut dire ? RATP, ça veut dire Régie Autonome des Transports Parisiens. Et donc voilà, ça crée une polémique, ça veut dire que tout le monde en a parlé, ça a créé une controverse. Un débat ? C'est un sujet qui a fait débat. Donc forcément, qui dit débat dit réaction. Et la Cinémathèque a réagi en créant des affiches où, à la place de la pipe, la célèbre pipe de Monsieur Hulot, ils ont dessiné un grossier moulin à vent. Donc on dit grossier, évidemment, ça n'a rien à voir avec le caractère d'une personne qui serait grossière. Qui serait vulgaire. Ici, en fait, grossier, ça veut dire qui n'est pas très bien fait. Voilà, pas fini, à la place de la cultissime pipe. Cultissime, donc, il vient du mot culte. Donc quand on dit un film est culte, c'est qu'il est très connu. Et l'ajout du suffixe « issime », cultissime, renforce encore la signification du mot. C'est pour dire que vraiment, cette pipe est culte. Donc avec l'adjectif rare, cela donne rarissime. Donc quelque chose qui est très très rare. Donc la Cinémathèque a même dit que c'était un ajout ridicule pour une censure ridicule. Donc ajout qui est bien le substantif du verbe ajouter, donc quelque chose qu'on a rajouté. Qu'on a mis en plus. Et qui en fait ici apparaît être une censure. Puisqu'on dirait que la régie publicitaire Metrobus, donc la société qui s'occupe de la publicité pour la RATP, a vraiment poussé à l'extrême la loi Évin, ce qui est un peu exagéré. Je sais pas ce que t'en penses, Marion. Oui, je pense qu'il faut faire la part des choses. Enfin, faire la publicité pour la cigarette directement, bon, pourquoi pas l'interdire. Mais lorsque c'est parti de la culture française, oui, il faut savoir faire la part des choses. Surtout que là, ils n'ont pas vraiment mis en avant la cigarette, étant donné que, comme ils le précisent, jamais dans les films, Monsieur Hulot n'allume sa pipe. Oui, et même là, elle n'était pas allumée. Même là, elle était éteinte. Oui. Et comme tu l'as dit, en fait, ça fait partie du patrimoine culturel français. Donc le patrimoine, c'est notre héritage. Tout ce qui fait que la France est ce qu'elle est, que les Français sont ce qu'ils sont. Même l'ancien ministre Évin, il a dit que c'était ridicule également. Et eux, pour se défendre, la société qui s'occupe de la publicité pour la RATP, ils ont dit qu'eux, ils respectaient simplement la loi et que précédemment, quand une boisson alcoolisée avait été mise en avant sur une publicité, eh bien, ils l'avaient censurée également. Donc, quand une boisson alcoolisée était apparue dans une publicité... Et faisait partie intégrante de la publicité sans être l'objet direct de la publicité. Exactement. Mais donc, comme on l'a dit, l'ancien ministre Claude Évin a dit, lorsqu'il a été interviewé par France Info, donc France Info, c'est une station de radio qui diffuse de l'information en continu. Donc, il disait que la loi qu'il avait fait adopter avait pour but d'interdire la propagande, de limiter la publicité, mais qu'ici, on n'était pas dans la même situation. De même, Roselyne Bachelot, qui est l'actuelle ministre de la Santé, partage l'avis de Monsieur Évin, car elle a ajouté qu'elle estimait qu'on frôlait le ridicule. Donc on a cette expression ici, c'est frôler le ridicule. Donc qu'on s'approchait vraiment très proche du ridicule et que ça en devenait risible. Voilà, exactement. Que c'était même plus une polémique, ça en devenait seulement du ridicule. Donc c'est un peu ce que dit également le cinéaste Costa Gavras en disant « c'est absurde et risible ». Donc ça rejoint l'opinion de Roselyne Bachelot et de Monsieur Évin. Oui, Costa Gavras qui lui est un réalisateur franco-grec. Et lui il a fait cette déclaration dans Le Parisien qui est un autre quotidien français mais régional celui-là, sur Paris et sa région. Et donc à la fin de l'article on apprend qu'il y a déjà eu des précédents puisque la journaliste cite qu'en 1996, sur un timbre à l'effigie d'André Malraux, donc André Malraux qui était un écrivain et homme politique français qui fumait beaucoup, donc quand on a voulu le représenter sur un timbre, on l'a représenté avec la cigarette au bec. Et donc ça a dû être retouché. Alors on dit ici la cigarette au bec, c'est péjoratif de dire ça ? Non, c'est plus, c'est familier, c'est un peu même, affectueux. La clope au bec, la cigarette au bec. Ouais, voilà, donc le bec ici représente, ça veut dire tout simplement la bouche. Ouais. Faut dire de quelqu'un, tiens, lui il fume beaucoup, il a toujours la clope au bec. Il a toujours une cigarette dans la bouche. Et donc ils avaient retouché ce timbre avant qu'il ne sorte, pour qu'elle n'y apparaisse plus. Et un autre exemple était celui de Jean-Paul Sartre. Oui, Jean-Paul Sartre aussi, qui était un écrivain, un philosophe français, avait lui aussi été victime de la loi Évin. Pareil, pour une exposition qui avait été consacrée, son mégot avait été amputé de l'affiche. Voilà, sur des affiches de promotion pour l'exposition. Voilà. Il apparaissait avec son mégot, en fait, c'est un bout de cigarette. Enfin, littéralement parlant, un mégot, c'est une cigarette éteinte. Mais bon, on peut dire, il a un mégot dans la bouche, ça veut dire que c'est une cigarette qu'il éteint jamais vraiment. C'est un peu comme certaines personnes qui ont toujours une cigarette au bec. On dit, il a toujours un mégot dans la bouche. Voilà. C'est pas vraiment un mégot, mais on dit ça. Et donc, il dit même dans l'article, il avait été amputé de son mégot, ça veut dire qu'on lui avait carrément retiré sa cigarette sur l'affiche. Le terme amputé est bien choisi, parce que c'est généralement quand on ampute, c'est un membre, donc c'est quelque chose qui est partie intégrante de vous. Ouais. Et ça renforce le côté, le mégot, on lui a enlevé, mais il lui a amputé, parce que c'est vraiment partie de lui. Et le dernier exemple qui est cité ici, c'est le fameux Lucky Luke, qui est un personnage, lui, de bande dessinée, c'est pour ça qu'on dit un personnage fictif, qui n'est pas un personnage réel, qui a d'ailleurs été créé par un dessinateur belge qui s'appelle Maurice. Je suis content d'en parler parce que le dessinateur est belge et qui est un des personnages les plus populaires de la bande dessinée en France et dans la culture francophone. Oui, c'est vrai que Lucky Luke, à la base, se balade toujours avec une cigarette. Maintenant, il a le brin d'herbe au bec. Voilà. Et donc, par rapport à Lucky Luke, pour être plus politiquement correct, ses créateurs ont dû changer cette cigarette et la remplacer par un brin d'herbe, évidemment, qui est beaucoup moins nocif. Donc cette anecdote a quand même fait couler pas mal d'encre en France, parce que certaines personnes ont trouvé qu'on arrivait à un extrême par rapport à l'intervention de l'État dans la culture française, dans les libertés en fait. Oui, et que finalement, à force de tout vouloir contrôler, on arrive à l'effet inverse de ce qu'on voulait. Donc il y a un réel débat ici, puisqu'on touche à la culture cinématographique française. L'image que vous pouvez voir qui illustre la leçon aujourd'hui, c'est l'affiche exactement qui a été utilisée pour illustrer l'exposition consacrée à Jacques Tati et à son personnage Monsieur Hulot. Et si vous allez sur l'article du Figaro, vous verrez que vous pourrez faire apparaître le fameux grossier moulin à vent jaune qui a remplacé cette pipe et qui est à l'origine de la polémique. Donc voilà, vraiment débat d'idées ici. On attend vos commentaires et en attendant, on vous souhaite une très bonne lecture. À bientôt. Salut.